Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver sur Radioactive pour un nouveau mag. Et aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un projet artistique mené par la classe de 4e du lycée professionnel agricole Éducavert d'Amboise. Pendant plusieurs semaines, les élèves ont plongé dans l'univers du hip-hop aux côtés d'intervenants artistiques. Écriture, rythme, travail sur les mots, confiance en soi, les jeunes ont créé leurs propres morceaux en racontant leur passion et ce qui les anime. Un projet porté par Simon Gilardi, enseignant et animateur en éducation socio-culturelle, qui a permis aux élèves de découvrir une autre manière de s'exprimer. Nous sommes allés les rencontrer quelques jours après la fin de l'aventure. Et avant de donner la parole aux élèves, Simon Gilardi nous raconte comment est née l'idée de ce projet. Alors, en éducation socioculturelle, en lycée agricole, en quatrième, on travaille l'éducation artistique et on est très libre de choisir les disciplines artistiques qu'on veut. Et on a aussi la chance, en région centre, d'avoir des aides de la région pour pouvoir faire intervenir des artistes dans les classes. Donc, moi, je me suis saisi de cette opportunité pour pouvoir faire vivre aux jeunes l'expérience de créer de la musique hip-hop et du rap avec des artistes professionnels. Donc, sur une semaine, au mois de mars, ils ont eu Tracy Dessa et DJ Nojo qui sont venus au lycée pendant une semaine pour les faire écrire des textes, produire des musiques et trouver des flows pour pouvoir dire les textes correctement sur leur musique. Et ça aboutit à un petit spectacle, un petit concert en fin de semaine. Donc tout ça sur une semaine de pratique uniquement. Moi, avant ça, j'ai fait des cours un peu théoriques pour découvrir la culture hip-hop, etc. Mais la semaine avec les artistes, c'était purement de la pratique. Ils ont accueilli comment le projet quand vous leur avez présenté ? Alors, je pense que tant que les artistes n'étaient pas présents sur place, c'était plutôt des gros points d'interrogation. Et puis peut-être un peu de stress de bah, « moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'écrit » ou « j'ai jamais fait de musique », etc. Et tout l'art en fait, des deux intervenants, ça a été de les mettre en confiance et de les faire avancer petit à petit dans l'écriture pour que finalement, tous arrivent à écrire un texte et à poser un flow alors qu'ils ne l'avaient jamais fait avant. Pour beaucoup de ces jeunes, c'était une première, écrire un texte, oser le dire à voix haute, poser sa voix sur une instru, pas toujours évident, mais très vite, les élèves se sont pris au jeu. Et puis il y a ce moment un peu magique, quand les mots écrits sur une feuille deviennent une chanson. Les élèves ont accepté de nous faire entendre un extrait de leur travail avec notamment les morceaux « Le hérisson particulier » et « Relevé ». Pourquoi m'ont-ils abandonné ? Est-ce que j'ai été particulier ? Pourquoi m'ont-ils pas gardé ? Et moi, je suis fier d'être particulier. Pourquoi m'ont-ils abandonné ? Est-ce que j'ai été trop particulier ? Pourquoi m'ont-ils pas gardé ? Mais je suis fier d'être particulier. L'espoir pour trouver l'adresse de ta famille, terrifié, je m'en souviens qui défile. Par la fenêtre, j'ai l'impression d'être une fille. Je sens que dans ma tête, ça part en vrille. Abat sur le thé, je vais quand même t'aider. Abat sur le thé, je vais quand même manger. Ils m'invitent à manger pour tout me révéler. Je veux la vérité, mais je suis pétrifiée. Ils n'ont pas accepté ma différence. Pour eux, c'était beaucoup trop de dépenses. Pendant toute la minute, vécu en mon absence. Les gens pensent que je suis fort, solide, intouchable, mais ils ont tort. Les gens pensent que je roule sur l'or, pour y arriver j'ai doublé l'effort. Je reste cloîtré dans mes draps, le sommeil vient me chercher de plus en plus tard. Les flashbacks deviennent mes cauchemars, j'angoisse et je tremble tous les soirs. Au plus profond de moi, mon passé m'a cassé par des mots, des phrases, des coups. Mon enfance bouleversée, mes douleurs jamais acceptées. Ma famille m'a jamais respectée, mais j'ai décidé de changer. Maintenant je suis soulagée. Trop de croyances et des idées non partagées. Je me suis relevée, oui je me suis relevée. J'ai réussi à m'échapper de cette vie qui m'a pesée. Oui je me suis relevée. Les mots tombaient comme la pluie et l'orage. Mon cœur apprenait à tourner la page. J'ai connu les silences plus lourds que les cris. Même dans le noir, j'ai gardé le sourire. Les cicatrices brillent dans mon regard. Chaque blessure contre la force en moi. On voulait me briser, me garder en brouillard. Mais mon futur me fait garder espoir. Le passé m'a tiré vers le bas. Mais l'espoir m'a pris à voler. Ma famille regrettera. J'ai continué d'avancer. Sur mon chemin, j'ai pas fondé mes peurs. J'ai pris par la main chacune de mes valeurs. Le soleil fait fondre la glace de mon cœur. J'ai enfin compris ma valeur. Trop de croyances et des idées non partagées. Je me suis relevée, oui je me suis relevée. J'ai réussi à m'échapper de cette vie qui m'a pesée. Oui, je me suis relevée, je me suis relevée. Au-delà de la musique, ce projet a aussi permis aux élèves de prendre confiance, de travailler ensemble et de porter un regard différent les uns sur les autres. Simon Gilardi nous explique ce qu'il retiendra de cette aventure. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette aventure et est-ce que vous êtes fier d'eux ? Alors oui, je suis hyper fier d'eux et puis d'ailleurs je peux le faire en toute modestie parce que pour le coup moi j'ai eu un rôle assez extérieur en fait pendant la semaine. C'est vraiment les intervenants qui ont su super bien manager les élèves. Donc la fierté, voilà, c'est le plaisir surtout de les voir s'amuser à faire quelque chose qui était en fait très difficile. Ça c'est vraiment agréable et de voir que quasiment tous en fait ont pris du plaisir à vivre cette expérience. Ça c'est super chouette en fait qu'ils soient pas rendus compte forcément qu'ils avaient travaillé dur pendant une semaine, mais qu'ils étaient surtout dans le plaisir de faire ça, même si voilà, ils ont quand même bossé et ils ont eu beaucoup de stress aussi. Mais au final, c'est aussi le niveau de stress explique aussi le niveau de fierté qu'ils ont à la fin et de plaisir à se produire devant. Donc ils ont fait ça devant des parents, quelques collègues et puis quelques élèves du lycée. Merci beaucoup Simon. De rien, merci à vous d'être venu nous voir. Avec plaisir. Une feuille, un micro, quelques beats et beaucoup d'émotions. Au lycée professionnel agricole et du Caver d'Amboise, ce projet hip-hop a surtout permis aux élèves de se découvrir autrement, de prendre confiance et de transformer leurs idées en musique. Et à travers leurs voix, Timéo, Corentin ou encore Noah nous rappellent une chose simple. Quand on leur donne la parole, les jeunes ont beaucoup à raconter. C'est la fin de ce mag et merci de nous avoir suivis. Et vous pourrez retrouver ce podcast sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.